On peut pas applaudir avec le synthétiseur. C'est mieux les vrais. Thank you.

Ouais, c'est pas facile ça. C'est pas facile, la batterie un peu forte. Thank you. We'll be right back.